Toi la fille magique au regard angélique, tu danses. Prends la vie à pleine main, ne pense pas à demain, mais danse. Te regarder danser, ça me fait frissonner, tu danses. Danse dans les bras de celui que tu as choisi, danse. T'as un corps électrique quand tu danses ma musique, tu danses. Tu ferais tanner un sein en ondulant tes reins, mais danse. Ta sensualité met en transe quand tu danses. Danse dans les bras de celui que tu as choisi. Laisse-toi danser. Malin, tu danses. De te voir vivre sur une piste déchaînée, tu danses. Danse dans les bras de celui que tu as choisi, danse. Toi la fille au pied nu, toi qui semble ingénue, tu danses. Dans la vie tu fais bien ce qui semble être bien, mais danse. Ta façon de bouger nous laisse bien deviner, tu danses. Danse dans les bras de celui que tu as choisi. Te voir révolter sur une piste déchaînée, tu